La première fois que j'ai rencontré Karl, il était triste allongé sur son lit d'hôpital. Il connaissait mes albums par cœur, il me répétait Funny Baby, je t'ai dans le cœur. Quand la nuit tombe et que les infirmières ferment la porte, je mets mon casque et toutes tes musiques me transportent. Ma famille habite à 500 km d'ici, donc le soir je m'ennuie, la chimio comme ami. Je suis trop content de t'avoir rencontré, on peut faire une partie de console s'il te plaît. Et on a joué ensemble toute la journée, les manettes étaient sans fil mais ses bras étaient branchés. Et j'imaginais ma fille à sa place, mal-être, mes larmes coulaient sur le long de la manette. J'étais qu'un con, ce jour-là j'ai compris, j'étais venu faire quelques photos et je me suis fait un ami. Cette nuit, je pars, maman s'est promis, je n'ai plus peur du noir. Papa je t'en prie, ne pleure pas, elle me prend ma vie. Yeah, yeah. La dernière fois où j'ai revu Karl, il était toujours allongé sur son lit d'hôpital. Il avait son père à son chevet, la console éteinte, il avait plus la force de jouer. J'ai compris dans son regard que c'était bientôt fini. Je l'ai serré dans mes bras, triste à l'infini. Il était dans les vapes, j'essayais de lui parler. Plus il souriait et plus moi je pleurais. Il m'a dit rapproche-toi, j'ai quelque chose à te dire. Il me chuchota, j'ai peur, j'ai pas envie de partir. Reste auprès de moi, encore juste un peu. T'as sûrement des trucs à faire mais reste juste un peu. Et j'imaginais ma fille à sa place, des infirmières à la place des camarades de classe. J'étais qu'un con mais ce jour-là j'ai compris, j'étais venu faire quelques photos et je me suis fait un ami. Cette nuit, je pars. Maman s'est promis, je n'ai plus peur du noir. Papa, je t'en prie, ne pleure pas. Elle me prend ma vie, mais pas notre histoire. Une nuit d'été, mon téléphone sonna. C'était son père, il m'a dit Karl est parti. À l'âge où on a la vie devant soi, il avait 16 ans et demi. Je me suis senti ridicule pour ces fois où je me plaignais. Pour une chemise froissée, un téléphone rayé. À la base, c'était des photos que j'étais venu faire. Loin d'imaginer un autre petit frère. Cette nuit, je pars. Maman s'est promis, je n'ai plus peur du noir. Papa, je t'en prie, ne pleure pas. Elle me prend ma vie, mais pas notre histoire.